Comment il cause? C'est la dernière question, celle-là, et la plus essentielle à se poser, sur des hommes et des femmes qui pratiquent la vie mondaine. Le reste n'est que du décor et de la gesticulation. L'art de causer, c'est au contraire le monde lui-même, sa meilleure raison d'être quand la causerie en vaut la peine. Son pire ennui quand cette causerie est vide, ou sotte, est toujours bonne ou mauvaise sa caractéristique. Mais comment rendre la nature spéciale d'une conversation ? Sans transcrire toute une série de dialogues réels, ce qui serait à la fois incohérent et indiscret. C'est dans les romans des écrivains qui ont connu et aimé une société qu'il faut en chercher le ton. De ce point de vue-là, les premières nouvelles de M. Henry James me paraissent être un des meilleurs documents. Je dis les premières, car cet observateur si aigu a depuis étudié plus particulièrement ses compatriotes à l'étranger. Ce d'ici le lui reproche. Et j'ai lu dans un journal récemment, à son sujet, cette étonnante épigramme, dont la métaphore est empruntée au chemin de fer électrique. Il a tant de talent, quel dommage que son trolley ne soit plus attaché sur le fil américain. Il n'en reste pas moins que personne n'a rendu comme ce maître la nuance exacte des propos échangés par des gens de Boston ou de New York, dans un coin de salon et à une table de dîner. Quant au papotage plus contemporain, à ce coloris d'esprit, momentané et tout actuel, que Jeep note chez nous avec tant de bonheur, il me semble que personne n'en donne mieux l'idée que la femme distinguée, qui a rendu célèbre le pseudonyme de Julian Cordon. Je renvoie à ses romans le lecteur européen curieux de vérifier, assis dans son fauteuil et sans traverser l'océan, les quelques traits qui me semblent marquer le plus nettement la conversation des Américains, car ils aiment à causer beaucoup plus que les Anglais, sinon autant que les Français, surtout ceux et celles dans les veines de qui roule un peu de cet excitable sang irlandais, qui ne sait pas plus se taire qu'il ne sait oublier. Le premier de ces traits est assez malaisé à définir d'une formule. J'en hasarderai une pourtant, quitte à la commenter. C'est le point de vue. Vous causez avec un Parisien, s'il a de l'esprit et de la verve, après 10 répliques, la conversation a sauté. Il commence de se laisser emporter aux caprices de ses associations d'idées. Si bien qu'après 1 heure, vous avez touché à tous les sujets sans méthode, sans profit, mais avec de l'agrément. Il vous laisse l'impression d'une intelligence alerte et facile, qui a des clartés de beaucoup de choses, pour employer un vieux mot bien français justement. Vous n'avez pas senti ce que vous sentez 9 fois sur 10 chez l'Américain et l'Américaine, une énergie qui ne se détend pas, même dans la futilité du propos mondain. Une intelligence qui a un point de vue d'où regarder la vie et qui s'y tient, qui vous y fait rentrer, qui vous utilise. C'est qu'il y a, sous la femme du monde, qui vous parle dans ce coin de salon, parmi les fleurs et les lumières, une créature de tension, et qui a commencé, depuis qu'elle est out, à se composer une personnalité d'après un type une fois choisi. Celle-ci a résolu d'être une grande dame anglaise. Elle a vécu à Londres longtemps, et elle a su s'y faire une situation. Il vous sera impossible de la tirer de ce point de vue et d'obtenir d'elle des références qui ne soient pas londoniennes et britanniques. Cet autre se veut une Parisienne, et sa conversation vous enferme dans un cercle de notions qui toujours et toujours suppose Paris. Il n'y a pour elle que nos livres, que nos peintres, que nos pièces, que nos acteurs. Cet autre s'est mis en tête de jouer la comédie. Elle a pris des leçons de déclamation et elle dit bien. C'est autour du théâtre que tournent tous ses discours. Une quatrième est éprise de littérature. Vous découvrez, après 1 quart d'heure, qu'elle a trouvé le temps de se donner à travers ce tourbillon de son monde, une immense lecture, et elle la continue, en vous parlant avec cette force singulière de spécialité et d'exactitude que les gens d'ici possèdent. Ces points de vue-là sont du moins aimables. Il en est de plus sévère. Un de mes amis français, auquel on voulait faire épouser une jeune fille très riche, a rompu ce mariage, parce que sa demi-fiancée, très préoccupée de science, lui avait exposé toute une soirée durant l'invention d'une locomotive nouvelle. « Je ne peux pas me marier à un ingénieur », fut sa seule réponse au reproche de la personne qui l'avait présenté. Une telle intransigeance est rare. Et presque toujours, il y a dans la conversation des Américains, et surtout des Américaines, un second trait, qui les sauve de la laideur et du pédantisme. Ce trait est la vivacité. Leurs moindres paroles ont la saveur profonde du réel, et elles ont aussi du mouvement, comme du geste. Jamais rien d'abstrait ni de vague. Toujours des mots qui peignent, de ces termes qui trahissent l'expérience. Aussi bien n'ont-ils à aucun degré cette notion de l'effacement personnel, qui donne un vernis plus brillant de politesse, mais qui diminue tant l'individualité de la causerie. Jamais ils n'hésitent à parler d'eux, à rappeler leurs voyages, leurs aventures, ce qu'ils appellent précisément leurs expériences. Ils y gagnent, n'ayant guère l'esprit de mots, d'avoir aisément ce que l'on pourrait appeler l'esprit de choses, un pittoresque de récit, qui produit, lorsqu'ils y mêlent de la gaieté, un humour original et nouveau. Ici encore, vous sentez, sous la femme riche, comme sous l'homme fastueux, le peuple tout près. Vous le sentez aussi à une certaine naïveté générale de cette conversation. Les sous-entendus grivois en sont absolument éliminés. Ce qui se comprend, étant donné que cette vie sociale est, par excellence, l'œuvre des femmes et des jeunes filles. Et les médisances y sont rarement cruelles. Vous n'y rencontrerez jamais l'impertinence du ton, cette maladie des sociétés où il y a une cour, une noblesse, une hiérarchie. Par conséquent, des gens qui méprisent et d'autres qui sont méprisés. Cette morgue insolente que les bourgeois copient sur les grands seigneurs, après en avoir souffert. La moquerie y est constante, mais une moquerie qui ne déchire pas. Elle procède surtout par anecdotes gaies. Les traits individuels de caractère en font le principal objet. Ensuite viennent les maladresses sociales, les fautes de goût, dans la poursuite des gens célèbres ou titrés. Ces dernières anecdotes arrivent généralement d'Europe. Elles prouvent que le passage du Nouveau Monde dans l'Ancien a pour habituel résultat de tirer au dehors les défauts de l'Américain, au lieu de les corriger. Chez lui, dans son milieu d'origine, il est plus simple, plus cordial, et somme toute à l'entendre causer, on l'estime, on le devine « good natured ». C'est leur terme, sans beaucoup de haine, sans beaucoup d'envie, et si aisément amusé. Forain me disait, après quelques jours passés à Newport, « ce sont des enfants ». Pour cet observateur d'une si âpre intensité de vision, et qui est descendu à une telle profondeur, dans la vieillesse de notre décadence, cette sorte d'esprit semblait sans saveur. Il en a une, mais si différente de la crottée parisienne qu'il est peut-être impossible de bien goûter les deux. Cependant, les Américains s'y efforcent. Ils citent volontiers des légendes de cet admirable forain, avec ce même effort et la même application d'intelligence qu'ils apportent à lire Verlaine ou Mallarmé. Car c'est encore là un des traits de leur conversation, le rappel constant des auteurs français de l'extrême gauche. Ce goût est arrivé jusqu'aux femmes du monde à travers les peintres, venus eux-mêmes à Paris pour étudier, et qui se sont voulus au courant. C'est une des gaietés involontaires de cette causerie que l'étonnant contraste entre certains noms d'artistes très compliqués et les bouches simples qui les citent, pour leur accoler avec une candeur surprenante le même lovely, le même enchanting et le même fascinating, qui servent également à tous les tableaux et à tous les paysages, à un cheval et à un air de musique, à un chapeau et à une statue. Deux ordres de problèmes m'ont paru complètement éliminés de cette causerie. L'un est la politique, l'autre est la religion. Ce silence semblera d'autant plus significatif que ce sont là deux des constants soucis de l'Amérique. Est-il un pays où la vie politique et la vie religieuse semblent plus ardentes? Ce phénomène inattendu peut s'expliquer par plusieurs causes. J'y vois pour ma part une preuve nouvelle que les Américains possèdent à un très haut degré le sens distributif qui n'est lui-même qu'un cas particulier de leur force, de volonté. Jamais vous n'entendrez non plus un homme d'affaires sorti de son bureau vous parler d'affaires. Ils excellent à fixer le cran d'arrêt. La même énergie qui leur permet, une fois tournée vers une besogne, de s'y livrer tout entier, leur permet, une fois cette besogne finie, de se livrer tout entier également à une nouvelle. Il y a un certain emploi du verbe « to have » qui indique cela. On dit que l'on a eu une promenade à cheval ou en voiture, comme on dirait que l'on a eu une bouteille de vin à boire, un livre à lire. C'est comme si, étant donné un morceau de la journée, une heure, deux heures, trois heures, il s'agissait de le manier, de l'exploiter, d'en faire un tout presque séparé. Ils ne se mêlent pas plus leurs sentiments qu'ils ne mêlent leurs occupations. Ce sont des cases qu'ils ouvrent et qu'ils ferment à volonté. La politique est une sorte de ces cases, la religion en est une autre. La société en est une troisième. Et puis, la politique ici n'est pas comme chez nous laissée en proie au hasard. Les nerfs du public et ses passions ne les gouvernent pas. Elle est montée à la façon d'une entreprise, et les partis sont réglés par la machine, d'une façon qui n'autorise ni la fantaisie des idées générales, ni celle des petites intrigues. Quant à la religion, la liberté absolue a tant multiplié les sectes et les nuances dans les sectes que toute discussion est impossible. Le heurt d'opinion serait si vaste et si continu que naturellement une réciproque complicité de tolérance et de silence s'est établie. Cette suppression des deux plus grands principes de dispute, qui soient ici-bas, achève d'imprimer à la causerie cette allure désarmée et bénigne, pour une simplicité plus cordiale. Du moins, je la sens ainsi, car toutes ces impressions d'étrangers doivent toujours porter avec elles ce correctif d'un « peut-être » qui ne sera jamais entièrement vérifié, même après une seconde, une troisième, une dixième expérience.